Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbo Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbo Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbo vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Phil Desgarriers. Salut Phil. Salut Danny. Phil, le Canadien est à 9 ce soir. Moi, je disais en début de saison, il faut pas paniquer, c'est le début de saison, mais jusque où qu'il faut pas paniquer? Parce que là, Margot Tremblay disait hier que le Canadien, avec la fiche qu'ils ont habituellement, il faut qu'ils jouent pour 12 matchs en haut de 500. Pour atteindre les séries éliminatoires. Avec l'équipe qui est là, ils n'ont pas de blessés encore, ils vont avoir des blessés. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas, là? Ben, moi, il y a quelques jours, je disais toujours, laissons le temps, laissons paniquer. Ouais. Ce qui m'alarme un peu plus, Danny, c'est que on voit pas de progression dans le jeu canadien. Soir après soir, toujours la même formule, on débute bien la rencontre, puis tout à coup, on donne un but ou un mauvais but, et à partir de là, on revient pas. Deux, on sent pas une progression également. Exemple, ton meilleur joueur qui s'appelle Pacioretty va où? Chez Weber, impressionne pas personne. Carey Price donne de mauvais buts de façon régulière. Tu sais, il n'y a pas personne qui sort du lot pour dire on relance l'équipe, on va bien. Donc, c'est des fois tu dis on joue bien, on perd, mais on sent que ça vient, là. Chez le Canadien, on sent pas ça. Et moi je pense que dans les dernières heures, on sent également une vague un peu de panique sur la direction de l'équipe, là, parce que effectivement, Mario en parlait, faut jouer 12 parties en haut de 500. La manière que le club joue là, c'est presque pas pensable que le club va aller en haut de 500 ou va jouer 12 parties en haut de 500. Donc, à partir de ce moment-là, c'est probablement inquiétant. La direction doit s'inquiéter et on sait que... Moi je me suis pas sur le voyage dans l'Ouest. Historiquement parlant, le Canadien n'a jamais gagné dans l'Ouest. Oui, dans l'Ouest. Et puis les voyages étaient trop difficiles. Sauf qu'ils se sont fait planter 5-1 l'autre soir. Ils avaient joué une bonne première, deuxième pas si mal, en troisième, ça a été la débandade totale. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui va se lever? Le capitaine dit, je suis sans mots, je sais pas trop quoi faire. Tu sais, Claude Julien essaie de sortir des termes, on travaille là-dessus, sur ça. Il y a toutes sortes de rumeurs qui entourent l'équipe. Ça, il n'y a rien de pire que quand il se met à avoir des tonnes de rumeurs. On parle de Gatchaniok, on parle de Pacioretty. Il y a même des gens, des journalistes qui ont suggéré d'échanger Weber, d'échanger Price, puis d'y bâtir avec des jeunes. Mais encore là, tu sais, quand je regarde un peu les bonnes équipes de hockey qui commencent à bien produire, effectivement, ça passe par le repêchage, la jeunesse, les jeunes joueurs. Et je pense qu'un jour ou l'autre, le Canadien va arrêter de comme on dit dans le langage, de patcher puis à y aller avec des joueurs de seconde qualité pour essayer de boucher des trous. Il va falloir donner la chance à des jeunes joueurs. Puis je pense qu'on en est rendu là chez le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y aura des transactions majeures? Moi, je pense que si ça ne se replace pas d'ici une semaine, Bergevin n'a pas le choix de bouger. Mais là, les équipes vont t'attendre. Les équipes t'attendent. Sauf que souvent... il faut être deux partenaires pour danser. Je pense pas que Bergevin est assez paniqué pour dire je vais donner mon joueur puis je n'obtiendrai rien en retour. Mais écoute, là je pense que il va falloir que les gens de hockey s'assoient puis regardent tranquillement de dire là, on prend-tu les bonnes décisions? Puis tant qu'à prendre des décisions importantes, là, il faut les prendre, les bonnes. T'as pas le droit de te tromper, là. Je pense qu'on en est rendu là. Il y a plein de mauvaises décisions, Phil. Hein. Tu regardes ça, là, actuellement, là. C'est sûr que c'est facile à dire pour nous autres à rester dans le salon, mais c'est ça la beauté du sport. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Phil, quand tu regardes que Joe Morrow, à la place de François Beauchemin, Après ça, tu regardes également, tout le côté gauche a été changé. Est-ce que le Canadien serait meilleur avec Markov, Emeline et Beaulieu au lieu de Alsner, puis Joe Morrow, puis... aucun doute pour le Canadien. Ouais. C'est que le problème de Marc Bergevin actuellement, c'est ce qu'il a dit au tournoi de golf. Ben oui, ça va venir l'entrée. Il est supérieur à ce qu'il était l'an passé. Mm. Et à partir de là, je vais te dire que tu regardes ça, puis tu dis, voyons donc, il connaît pas son hockey, tout le monde le voit. Tout le monde doutait, en début d'année, de la défensive du tricolore. Ça se répercute actuellement. Deux, on peut blâmer Price. Price fait pas les arrêts comme il faisait l'année passée. Ça, je peux comprendre. Mais Price, il est pas fou. Il sait bien qu'est-ce qu'il y a devant lui, là. C'est très difficile. Les attaquants ont pas la bonne première passe pour relancer l'attaque. Tu regardes ça, puis tu dis, coudon. Puis, je dis pas que Claude Julien essaie pas de faire une bonne job, là. Les qualités de Julien comme instructeur, ils sont reconnues. Il fait toutes sortes de changements. Exemple, moi, je regarde le jeune Hudon qui joue actuellement. Oui, il joue du bon hockey, mais il n'a pas marqué encore un but cette saison. Assez qu'il était sur le deuxième trio quand début de l'année. Il s'est retrouvé sur le troisième, puis là, il se retrouve sur le quatrième. Mais quand tu mets Alex Hemsky sur le troisième trio, et tout le monde dit, en début d'année, c'est peut-être pas un mauvais gosse de Marc Bergevin, mais Hemsky ne répond pas du tout à ce que le Canadien voulait. On a vu Mike Stripes, c'est la même affaire. Et on est obligé de le libérer, puis de racheter son contrat, puis de le retourner chez eux. Hemsky, là, demain matin, tu sais, va chercher des jeunes joueurs qui jouent avec l'équipe de Laval, plutôt que de perdre ton temps avec un vétéran qui il ne va nulle part depuis 3 ou 4 ans. Je pense qu'on est rendu là chez le Canadien. Et deux, on sait qu'à Montréal, ne pas faire les séries éliminatoires, c'est très difficile. Mais quand on regarde l'équipe des Oilers d'Edmonton, on regarde les Devils du New Jersey, on regarde certaines formations, on dit tout simplement, ces équipes-là se sont bâties en étant 3, 4, 5 saisons dans les bas-fonds de la Ligue avec des choix de repêchage. C'est comme ça dans la nouvelle génération dans la Ligue nationale. Puis, ils n'auront pas le choix un jour ou l'autre de passer par ce processus-là. C'est ça. Puis, écoute, là. Mais à Montréal, c'est toujours du patcheur de trop. Ça fait longtemps que je dis que le club devrait faire de même. Mais là, les gens commencent à réclamer Patrick. Les gens commencent à réclamer Patrick Roy. Ça commence à se parler pas mal. Bergevin, c'est sûr que, là, on l'a dit, Phil, moi, puis toi, s'il joue sa tête avec les Canadiens, là. Est-ce que cette semaine, mardi, dans le quotidien, j'ai écrit en parlant de... Tu l'as dit hier, oui, puis tu me l'as dit vendredi aussi. Puis je te l'ai dit la semaine passée, c'est que c'est toutes des choses comme ça que les gens analysent qui font que Bergevin a tenté des choses. Mais Bergevin, là, il y a un mandat de la direction. La direction dit, là, Marc, faut faire les séries éliminatoires. C'est là qu'on fait de l'argent. Tu sais, comme moi, c'est pas dans les 30 quelques parties durant la saison que le Canadien fait de l'argent. En série éliminatoire, parce que tu fais 2 à 3 millions chez le Canadien de Montréal par match clair dans tes poches. Donc, à partir de ce moment-là, plus tu fais les séries éliminatoires plus longtemps, plus c'est rentable pour l'équipe. Mais le Canadien, s'ils sont 3 ou 4 ans dans les bas-fonds de la Ligue, Jeff Mousson, il y a des questions qui lui sont demandées par les actionnaires du club en disant, notre investissement, qu'est-ce que ça rapporte au moment où on se parle? C'est un peu ce que vit le Canadien à Montréal à cause de la couverture, à cause de les événements autour de l'équipe. C'est un peu comme les Yankees à New York. Ouais. Il faut que les Yankees performent. Les Red Sox à Boston, il faut qu'ils performent. Les Dodgers à Los Angeles. Dans des grandes villes, le sport est roi, comme les Canadiens, c'est à Montréal. C'est un peu ça. Il y a un qu'à Toronto qui ont été à peu près 10 ans dans les bas-fonds de la Ligue, où on remplissait quand même le Centre Air Canada à pleine capacité, puis on n'avait pas de problème au niveau des billetteries. Mais à Montréal, c'est pas le cas, là. Les bureaux chefs sont moins présents et ça prend plus de détenteurs de billets de saison, puis de garder ces gens-là régulièrement, avoir une bonne écoute, puis aussi également avoir de l'intérêt. Là, l'intérêt commence à diminuer, là, les gens commencent à dire même qu'ils se vendent des billets à rabais. Donc, c'est toutes des choses que Jeff Mousson doit répondre. Mais que Patrick Roy soit dans le décor, c'est pas une surprise pour personne, là. Non. Patrick, c'est un homme intelligent. Il sait que ça va pas bien. Il fait quoi, tu penses? Ouais. Il donne des entrevues aux médias. Pendant un an, tu l'as pas vu. Nulle part. Ouais. Mais là, il voit que la soupe est chaude à Montréal. Peut-être que pour lui, c'est une opportunité. Parce que ce que Patrick Roy veut, c'est pas compliqué, là. C'est le DG. Là-bas, il était juste instructeur au Colorado. Ouais. C'était pas Patrick Roy. Patrick Roy, il veut être le grand boss. Ouais. Donc, s'il veut être le grand boss, il faut qu'il soit DG. Ouais. DG, ben, les postes disponibles, il n'y en a pas à tonne. Mais là, s'il voit qu'à Montréal, il pourrait avoir une possibilité, Patrick Roy est assez opportuniste pour être capable de dire j'ai de l'intérêt, je vais regarder ça. Puis il l'a dit cette semaine, il a dit c'est toujours mon rêve de retourner dans l'organisation du Canadien. Mm. Est-ce que le Canadien pourrait l'engager pour être l'adjoint de Marc Bergevin? Non, non, ça, moi je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Puis Patrick, c'est pas le gars pour être en arrière-scène. C'est le gars pour être avant, en avant de la scène. Mm. Et Bergevin acceptera pas non plus de jouer le second violon. Il l'a joué pendant des années avec Chicago. Maintenant, il y a une opportunité pour lui. Ben, je pense qu'il veut continuer à être là. Ben, s'il y en a un qui arrive, l'autre sort. C'est évident, ça. C'est évident. Ça, c'est officiel qu'ils ne peuvent pas être deux comme dans la même base. Non, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que, écoute, il faut que tu vendes de l'espoir. C'est ça, je parlais avec Pascal Masson tout à l'heure, mon collaborateur pour les Alouettes. Kavis Reid, on a nommé aussitôt Kavis Reid comme directeur général des Alouettes. Je dis à Pascal, il faut que tu vendes l'espoir si tu veux avoir des biens. C'est la même affaire que Montréal, là. Si le Canadien commence à pas faire les séries, on s'enlise, t'auras pas le choix, là, quelque part, si tu veux avoir des billets de saison. Le Canadien devra poser un geste, je pense, d'ici quelques jours. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un geste très rapide. À part ce qui, Bergevin va donner un grand coup, va faire une transaction majeure. Tu sais, on parle de Pittsburgh aujourd'hui. On parle également des Devils du New Jersey. On parle depuis longtemps également de transactions avec d'autres formations. On parle avec le Colorado. Les Islanders de New York avec John Tavares. Mais demain matin, échanger Tavares à Montréal, moi, je suis bien prêt à le prendre, mais tu donnes quoi en retour? Ben, c'est pas des... J'écoutais Ron Fournier cette semaine dire des choix premier rond. Ben oui, mais tu penses-tu que les Islanders de New York vont vouloir rien que des choix premier rond pour John Tavares? Ah non, ils vont vouloir des joueurs établis, des choix, là. Ouais. Comme disent souvent les chroniqueurs, c'est des sujets pour les prochaines années. On n'est jamais sûr qu'ils vont performer dans la Ligue. Alors que Tavares, t'es sûr qu'il est parmi l'élite de la Ligue nationale puis il est en place. Donc, il faut... T'as New York, ils sont pas plus clairs qu'ailleurs. Un jour ou l'autre, ils veulent gagner aussi, là. Ben donc, ouais. Il faut que tu arrêtes de bâtir. Un jour ou l'autre, il faut que tu aies des résultats. Puis je pense que les Islanders sont rendus là également. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. C'est le commentaire de Phil.